Psaume 67. Psaume de cantique, donné au maître chantre, pour le chanter sur nos guinotes. Que Dieu ait pitié de nous, et nous bénisse, et qu'il fasse luire sa face sur nous, c'est là, afin que ta voix soit connue en la terre, et ta délivrance parmi toutes les nations. Les peuples te célébreront, ô Dieu, tous les peuples te célébreront. Les peuples se réjouiront, et chanteront de joie, parce que tu jugeras les peuples en équité, et que tu conduiras les nations sur la terre, c'est là. Les peuples te célébreront, ô Dieu, tous les peuples te célébreront. La terre produira son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira, et tous les bouts de la terre le craindront.